La délégation des permanents de l'Union de la jeunesse des Coréens au Japon, arrivée lundi par vol à Pyongyang, a rendu hommage devant les statues en bronze du président Kim Il-sung et du général Kim Jong-il sur la colline Mansu.